Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rockfort Show, deuxième émission spéciale Paris Metal France Festival. Nous sommes le jeudi 8 décembre et j'accueille Jen. Bonsoir. Bonsoir Jen. Bonsoir Tom. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, bien remis de cette première édition, première partie de la sixième édition. C'est leur neuvième album aux Américains qui nous viennent de Huntington Beach en Californie. Ils nous font du métisme. Voilà, ça c'était pour la nouveauté. Ça sera la seule. Enfin, non, ce sera pas la seule nouveauté de la soirée, mais c'est la seule nouveauté qui n'apparaîtra pas dans le Paris Metal France Festival. On voulait commencer avec ça. Par contre, ce que vous entendez en fond sonore, ce groupe-là sera au Paris Metal France Festival, tout simplement parce qu'ils sont les co-organisateurs du festival. Il commence par un A et finit par un X et il y a un D au milieu. C'est Mashmanix. Astérix. Astérix. C'est donc ADX avec son dernier album Non Serviam. Et le groupe donc vous convie au Paris Metal France Festival, ainsi que le Rock for Show, bien évidemment, puisque c'est une copro MIC et le Rock for Show. Sachez qu'il y a l'affiche du Paris Metal France Festival qui se déroulera au plan Harris Orangis le 6, 7 et 8 janvier 2017. Vous aurez l'occasion de voir 41 groupes et quelques surprises, puisque il y aura certainement des buffs qui vont se faire les jouer dans plusieurs groupes. Mais ça, pour l'instant, on vous dit rien. C'est surprise. Ouais, on vous en parlera le moment venu. Ou pas, bien sûr. Comme ça, on laisse la surprise. Mais tu en dis déjà trop. Oui, mais c'est oui. Bien, ça attise. Voilà. Ça attise. Alors, sachez que si vous voulez en savoir plus, au lieu de nous écouter là ce soir maintenant en direct, vous allez au Dr. Feelgood. Exactement, venez boire un coup avec nous. Au 37 rue Quincampoix, parce que nous sommes là-bas aussi, exactement. Exactement. Donc, ce soir se tient la pré-partie du Paris Metal France Festival tout 6 au Dr. Feelgood, 37 rue Quincampoix. À Châtelet-Léal, à partir de 19h30, donc heure de l'émission, juste 2h30, là c'est un petit peu, c'est une heure après l'émission, hein, donc venez nous rejoindre, voilà, comme ça vous saurez tous nous voir en chair et en os, au lieu de nous écouter seulement. Pour réserver les places pour le Paris Metal France Festival, vous pouvez aller sur pmff.bigcartel.com ou bien sur withevent.com-6vi. Donc c'est Tirer du 6. Tirer du 6. Il n'y a pas un 6. Voilà. C'est tirer du 6, voilà. VI. Sinon, vous pouvez également acheter vos places au Dr. Feelgood ou nous contacter directement sur la page Paris Metal France Festival en privé et on peut s'arranger pour vous envoyer les places à la journée ou un chèque de 65€, toujours en prévente, pour le pass 3 jours. Et si vous décidez d'acheter sur place le jour J, ce sera 30€ la place pour la journée. Et si on veut prendre 2 jours, on peut pas. Enfin, si on peut, mais c'est 50€. C'est 50€, voilà. Le plan Harris Orangis, ça se trouve 1 avenue Louis Aragon. C'est le RER D. Alors surtout, vous ne suivez pas votre GPS lorsque vous sortez de la gare, parce que c'est juste en face de la gare. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire un tour, comme vous dirait le GPS. Vous traversez au niveau de James Labrie avec Riot. Donc on vous propose de découvrir un titre que le groupe Attraction Theory a choisi pour illustrer le Paris Metal France Festival, puisqu'il s'agit de Two Friends. Le groupe est français, bien évidemment, il nous vient de Dreux. Et, non, alors attention, rectifiant. Il ne vient pas de Dreux, le groupe. C'est Didier qui vient de Dreux. Didier est de Dreux, et donc il est de Dreux, voilà. Paris. Voilà. Un peu de Christophe Babin vient de Nantes. C'est ça. Que Constance, oui, Paris. elle est à Paris. Et John Macaluzzo, on ne sait pas. Voilà. Il est par un là-bas. Peu partout, aux États-Unis. Quand même un groupe qui est assez... Ouais. Oui, voilà, c'est un big band. En tout cas, nous, on a... Enfin, sincèrement, j'ai écouté le titre cet après-midi. J'ai littéralement adoré. Alors, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Je trouve que les arrangements, que tout qui a été fait sur ce titre, on reconnaît bien évidemment le titre de Michael Field, mais surtout, il y a des arrangements qui peuvent susciter plein d'émotions. À vous de le découvrir, à vous de nous dire également ce que vous en pensez sur Facebook, hein, bien entendu, ou par texto, vous pouvez nous envoyer aussi au 06 81 01 23. Là, vous nous dites si vous avez aimé ou pas Attraction Theory. Nous, personnellement, on a adoré. Voilà. On enchaînera ensuite avec un groupe, je te laisse présenter ma chère Jen. Manigance, dis donc. Alors eux, ils viennent de France, de Pau plus exactement. Nous allons vous faire écouter un morceau tiré de l'album d'un autre. Voilà, donc excellentissime groupe. Ce sera la troisième fois qu'ils viennent sur le Paris Metal France Festival. C'est le seul groupe, à part ADX bien évidemment, qui vient pour la troisième fois sur le Paris Metal France Festival. Et à être là, puisque c'est pas seulement le Paris Metal France Festival, un festival, c'est aussi... pour fêter mes 50 ans, et comme on s'est croisés tout au long de nos carrières respectives avec les Manigances, ils tenaient à être là, donc on leur a dit bah écoutez, vous venez jouer. Et c'est également les 35 ans d'ADX, hein, c'est pour ça qu'ils joueront 3 sets chaque soir, enfin un set différent chaque soir, mais il y aura ADX, ADX. Pas Manigances. Non, hein. Pas Manigances. Manigances joue que le dimanche, y compris Attraction Theory. En fait, tout ce qu'on va vous diffuser ce soir, c'est le samedi et le dimanche. Donc, c'est pas le dimanche, c'est le samedi, je me trompe. Oui, parce qu'il a vu à mes yeux que... Ouais. Donc, de quoi tu parles. C'est, on va vous parler d'abord du samedi. Voilà. Donc, Attraction Theory, le samedi 7 janvier sur la Rockford Stage. Et Manigance sur l'ultime stage, donc le samedi. Yann Armellino, tête d'affiche de la co-tête d'affiche de la avec Armellino et El Buccio, hein, puisqu'on avait reçu Yann dans les studios il y a pas très longtemps pour son nouvel album qui s'appelle Better Way. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, Another Day. C'est sorti chez Nota Bene le 14 octobre 2016. De Pâtisse. Comment ? De Pâtisse. Oui, de Pâtisse. Il a oublié le S. Ah, Pastis. De Pastis. Et donc, Yann participera certainement avec un autre grand guitariste de la soirée du samedi. On ne vous dit que ça. Donc, restez bien. N'allez pas boire trop. Restez avec une oreille attentive, puisque vous pourrez retrouver Yann Armellino sur d'autres prestations de la soirée. Nous continuerons avec Hurlement, qui eux joueront sur la Rockford Stage, donc toujours le samedi. Un titre exclusif, puisque c'est un titre tiré de leur prochain album qui sortira en janvier 2017. Et en le titre... exclusivité, attention, voilà. Attention, le titre c'est La mort sera belle. Comme c'est tout un programme. Mais en 2003, ils nous font du heavy metal à l'ancienne, hein, teinté d'années 80. Il y aura un invité spécial, et il y aura même le nouveau guitariste de Hurlement, vous le connaissez puisqu'il jouera également dans un autre groupe de la soirée. Selling a restless sea from a memory, a fantasy that we carry into what water far from the island. Don't you know you're never going to get to friends? You're a queen of chance. What if I? We'll be right back. retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show spécial Paris Metal France Festival numéro 6, mais deuxième partie hein, pour le Rock for Show. Oui, partout. Partout. Et la première partie, vous pouvez l'écouter en podcast, direction oui, la page Facebook. Super, super. Et donc, celle-là, vous pourrez l'écouter de demain, normalement. Ouais, on. Ce week-end, sûr. Ouais, non, mais j'ai tâché de la mettre dès demain. Bien, Tom, bien. Il est au taquet. Allez, qu'est-ce qu'on a écouté donc, ma chère Jen? On avait commencé avec. Attraction Theory, Manigance, Yarnar Melino et El Bucho, et Hurlement. Voilà, super titre de Hurlement, hein, très haut perché. On peut pas le faire. Hein. Je suis désolé, moi, je. Alexis, Alexis, il a les cheveux très longs et il a. C'est ça. Il a une capacité vocale que je n'aurai probablement jamais. Peut-être. En tout cas, ce que vous entendez en fond sonore, c'est Asylum Fire, qui sont, si vous êtes au Dr. Feelgood, bah, vous les voyez. Ils sont avec nous. Hein, vous allez les voir dans quelques instants. Sinon, eh bien, vous les entendez. Pourquoi on les passe en fond sonore? Bah, tout simplement parce qu'on en a quand même pas mal parlé depuis deux semaines pour l'annonce de la pré-partie du Dr. Feelgood pour le PMFF 6. Donc on va passer à la suite de la programmation avec Schoeleger. Je crois que les Schoeleger t'ont rendu une petite visite la semaine dernière. Ouais, ils sont passés après Airborne. Et comme il fallait qu'ils rentrent en Champagne, le petit Raphaël avait besoin d'une dose de caféine pour pouvoir tenir le coup jusque là-bas. Sauf qu'ils sont partis à 2h du matin. Oui, bien. Bah, c'est, voilà, c'est, voilà. C'est soit tôt, soit tard. Mais pour eux, c'est tôt. Mais j'ai envie de dire normal, quoi. En fait, je les apprécie tellement et je passe tellement des bons moments avec eux. Ils sont drôles, ils sont authentiques. Et voilà, bah ouais, j'ai. Bah ouais, c'est des moments comme ça, faut en profiter quoi. Voilà, alors Schoeleger, pour la petite histoire, c'est un groupe qu'on a découvert au Rammfest, enfin dans le public, hein, pas sur scène, mais dans le public au Rammfest. Et ils sont venus nous voir plusieurs fois. Ah ouais, est-ce qu'on peut jouer au Paris Metal France Festival? Est-ce qu'on peut jouer? Et on les avait fait jouer sur l'affiche, la cinquième, sur celle de 2013. Et on avait bien sûr bien sympathisé avant déjà. Et on les a reçus et ce sont des amis, des vrais amis. Vous savez, les amis sur lesquels on peut compter ouais, qui sont adorables et voilà. Exactement, qui peuvent également compter sur nous. Donc ça s'appelle la réciprocité. Et le Paris Metal France Festival, c'est un peu ça. Donc pour tous les gens qui sont aigris, pas gentils, pas aimables, allez vivre en Champagne. Voilà. Non, parce que tous les gens que je connais qui viennent de là-bas sont absolument adorables. Adorables. Voilà. Bah, c'est un petit peu là-bas aussi qu'il y a le film, avec Sylvain et son groupe Gang, Underground Investigation, enfin bref, il y a pas mal de choses là-bas. Il y a aussi Vouziers dans les Ardennes, hein, puisque c'est Champagne-Ardennes, hein, la région. Et donc on a aussi William qui fait le Vouziers Festival, qui est excellent. Enfin bref, plein de gens qu'on connaît qui sont... Nous allons écouter un titre qui s'appelle « Sois fort », parce que c'est un titre qui me parle vraiment, un mid-tempo qu'on a déjà passé dans le Rock for Show, et écouter les paroles. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a touché justement après les événements les tristes événements de 2015. Ouais. Voilà, donc c'est tiré de l'album Veuve Noire, qui est sorti chez Brennus le 13 juin 2016. Voilà, on vous dit pas d'où ils viennent parce qu'on l'a suffisamment répété. En tout cas, ils viennent de là où on fait des petites bulles. Mmh. c'est un quatuor formé en 2000. Voilà, ils ont 16 ans, les petits. Hein. c'est leur troisième album. Excellentissime, voilà. Veuve Noire. Exactement, même la pochette a fait parler d'elle. Ouais, elle est très, très, très jolie. Et puis on les avait reçus ici, c'était encore une soirée mémorable et agréable. On enchaînera, on continue avec la fête, puisqu'il s'agit de Boisson Divine qu'on avait reçu dans le Rock for Show aussi et qui nous avait vraiment mis un beaucoup de pied au cul dans la joie et la bonne humeur. Franchement, on avait adoré ce groupe Boisson Divine qui nous viennent de Gascogne et qui chante en gascon. Oui, c'est important. Ils chantent en gascon, ils se sont formés en 2005, ils nous font du folk metal. Ils ont deux albums à leur actif, dont ce Volentat, dont on va écouter le titre. Los Tiloles. Tiloles. Je vais y arriver. Hein, oui, voilà. Tiloles. Tiloles. Ouais. Bon, sorti bref, chez Brennus, donc en mars 2016. Tout à fait. Et sachez que ce groupe clôturera la deuxième soirée, donc la soirée du samedi. Hein, et ce sera le groupe qui clôturera sur la grande scène, donc on fera une grande fête, et pour se dire au lendemain, au dernier jour du Paris Metal France Festival, avant d'aller se coucher et dormir un petit peu, on va faire la fête. Voilà, excellent boisson divine. Nous continuerons avec des gens du sud-ouest, Tentation, qui nous viennent de... Perpignan. Alors là, attention, c'est le sud, messieurs, dames. Tentation, qui nous ont sorti un EP de 6 titres éponyme, Tentation, voilà. Ce qu'on va vous faire écouter, c'est Brixies, je ne sais pas. C'est ça, voilà. Brixies, sorti chez Inferno Records en 2015. C'est ça, et ils sont formés depuis 2012, donc quand même un petit EP depuis 3 ans. Ils ont bien dû répéter dans leur cave. Mais ouais, c'est du bon gros heavy apparemment. Ouais, du moi, heavy metal, pas... on va dire basique, mais celui qu'on aime, celui qui fait chanter, celui qui fait lever le poing, un petit peu à la Manowar, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de très fédérateur, où le public chante avec le groupe, et vous allez voir les refrains, la musicalité de ce groupe, c'est vraiment excellent. Et on continuera encore avec du heavy metal et avec un groupe français, bien sûr, puisque le Paris Metal France Festival est consacré au groupe français. Mais il y aura quelques surprises, vous verrez en deuxième partie d'émission. Le groupe, c'est Existence, et qui nous sort un nouvel album, qui nous a sorti un nouvel album là en octobre, le 15 octobre. L'album s'appelle Breaking the Rock. Oui. Et le titre que je vous propose d'écouter, bien évidemment... Attention, Breaking the Rock. Voilà, c'est le titre éponyme, et c'est vraiment un titre très, très, très efficace. L'album est une autoproduction sortie le 15 octobre, c'est leur troisième album, c'est du heavy metal, du pur heavy metal. Vous pouvez croiser les chemins de Maiden, de Judas Priest, enfin bref, de tous les grands du heavy metal. Sauf que c'est notre groupe, à nous, français. Le groupe s'appelle Existence. Et pour la petite histoire, ils se sont formés en 2008 à Clermont, dans l'Oise, en Picardie. Et pour la petite histoire, le chanteur-guitariste est le fils de monsieur Didier Izard, chanteur de H-Bomb. Voilà, donc ça colle complètement avec le Paris Metal France Festival. Et ce sera la deuxième fois qu'il joue au Paris Metal France Festival, tout comme Scholeger d'ailleurs. Voilà, et puis on va vous laisser donc en musique, ma chère Jen. Tout à fait. On rappelle Scholeger ? Non. Si. Attends, on a sorti une phrase tout à l'heure avant qu'on fasse l'émission. C'était quoi ? C'était la tentation d'une boisson divine et l'existence de Scholeger. Ouais, l'existence d'une boisson divine pour la tentation des Scholeger. Voilà, c'est ça. Hein, les, ouais, allez, musique. Allez, musique. Distance. Oh, retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show spécial Paris Metal France Festival 6, partie 2. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Trashback. Ils seront co-tête d'affiche de la Rock for Stage le dimanche, avec Existence bien évidemment. Donc, il n'y a pas que le Paris Metal France Festival sur Terre, hein, donc on va vous annoncer quelques petites dates pour finir cette année, ma chère Jen. Tout à fait. Alors, ce soir, justement, le 8 décembre, il y a The Answer au Trabendo. Voilà. Ensuite, samedi 10 décembre, il y a deux concerts à ne pas louper. Donc là, va falloir avoir le don d'ubiquité parce qu'il y a quand même Marillion à l'Élysée-Montmartre. Et il y aura Adagio, surtout, le retour d'Adagio au Petit Bain. Donc voilà, ça va être assez compliqué de choisir samedi soir ce qu'on va faire. Bah, voilà. Les progueux, ils vont avoir du mal. Hein. Ouais, ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, après Marillion, on peut toujours aller les voir. Ils seront au Zénith le 7 octobre 2017. Donc pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'Élysée-Montmartre, ils pourront aller au Zénith. Le problème, c'est qu'il faut attendre le 7 octobre 2017, donc quasiment un an, quoi. Là, en plus, l'Élysée-Montmartre, il a été refait à neuf, donc voilà. Bon, bref, passons. Pour la suite des événements, le mercredi 14 décembre, vous aurez un concert à Savigny-le-Temple dans le 77 à l'Empreinte avec Moonspell, Der Weg einer Freiheit et Volker. Ensuite, le vendredi 16 décembre, il y aura New Model Army qui seront au Divan du Monde. Et dis donc, pour commencer l'année, le PMFF. Donc on vous redit les dates, donc au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est le 6, le 7 et le 8 janvier 2017 au Plan à Ris-Orangis dans le 91. Voilà. Voilà, et on va vous rappeler l'adresse, c'est le 1 avenue Louis Aragon. Et surtout, on va vous rappeler là où vous pouvez acheter vos places, c'est sur PMFF. bigcartel.com. Voilà. Là-dessus, vous êtes sûr, vous allez acheter vos places. Et ou sur sinon, wizevent.com/pmff-6vi. Voilà. Et donc là, vous avez des e-billets hein, sur wizevent. Voilà. Et bien, nous allons continuer la suite de la programmation. Donc, on vous a dit que c'était Trashback que l'on entend en fond sonore. On attend le nouvel album de Trashback. Et surtout, on a aussi une grosse surprise, c'est que Trashback va venir avec un nouveau line-up, déjà, un tout nouveau line-up. Alors, il y a toujours Spidos à la batterie. Il y a toujours Gorg à la guitare. Batterie et chant hein, pour Spidos. Et par contre, il y a un nouveau guitariste. Il y a deux nouveaux guitaristes. Hein, donc il y en a un qui était déjà dans le groupe Evil One, puisque Trashback est quand mais même... Mais oui, c'est ce que j'allais dire, ce nom-là me dit quelque chose. Tout à fait, Trashback. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu au moins. Est né sur les cendres de Evil One, et c'était un trio à la base, et maintenant ça va devenir un quatuor. Et vous allez voir encore un musicien que vous aurez vu, pour la petite histoire, je vous le dis, le musicien, vous l'aurez vu le vendredi. Dans un autre groupe. Voilà, alors démerdez-vous avec ça. Ah, et puis voilà. Venez. Cherchez dans quel voilà. groupe. Non, mais venez, voilà. tout simplement. Vous l'aurez vu dans deux groupes d'ailleurs le vendredi. Ah, en plus, quoi. Le mec, il est au il taquet. Joue dans trois groupes. Dans trois groupes. C'est-à-dire qu'il se paye son Paris Metal France Festival et le gars, il va jusqu'au bout. Il jouera tous les soirs. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il jouera tous les trois jours, il va jouer. Alors, il joue dans ADX. Bravo, belle déduction. Ouais. Toi, tu n'es pas blonde. Et bah, tu sais quoi ? Je t'offre un pass 3 jours pour le Paris Metal France Festival. Merci. Est-ce que j'ai le droit à la nuit d'hôtel gratuite ou pas ? Oui. On va même faire plus. Tiens, on te le donne. Tiens, merci, tu vois, c'est pas beau merci. Ça ? C'est pas beau. Voilà, tu as déjà ton pass 3 jours. Voilà, parfait. Nous allons donc passer à la suite de la programmation, juste en vous disant que Trashback s'est formé quand même en 2012 hein, sur les cendres de Evil One. Oui, je lui ai donné un pass type triple A. Hein. Oui, un triple A, all access, hein, c'est bien ça. En même temps, je pense que je vais faire pas mal de choses ce jour-là. Je pense aussi, ma chère Jen. Nous allons enchaîner donc avec un groupe qui joue ce soir hein, à la pré-partie du Paris Metal France Festival puisqu'il s'agit de Freaky Time qu'on avait reçu dans les studios. Un groupe mixte, deux filles, deux gars. Un groupe qui est un peu mi-punk, mi-rock, mi-hard. Vraiment très très bien. enfin c'est un tiers punk, un tiers hard et un tiers metal, un tiers rock plutôt, parce que sinon si je fais mi, c'est pas bon, ça fait trois fois moitié, c'est pas possible. Le groupe s'appelle Freaky Time, leur album s'appelle Time to Go, et le titre que l'on va vous passer ce soir, c'est leur clip Glowy Hole. Excellent titre. Ils nous viennent, je tiens à le préciser, de Champagne-Ardenne. Exactement. Hein. Pour ça, Glory Hole, tout ça, c'est une autoproduction d'avril 2016. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le groupe s'est formé en 2015, je crois, il me semble. Voilà, et puis c'est un quatuor et ils font de l'excellente musique. Vous allez les voir, donc vous pouvez les voir ce soir au Dr. Feelgood, mais vous les retrouverez le dimanche sur la Rock for Stage, hein, et ne les ratez pas, sincèrement ne ratez pas Freaky Time, parce que c'est vraiment un excellentissime groupe. Nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe excellentissime qui s'appelle MF Crew. Motherfucker Crew. Alors je ne tarie pas d'éloges de ce groupe sur ce groupe, parce que franchement la session live qu'ils nous avaient délivrée au Rock for Show était vraiment excellente, mon cher Tom. Ah, il est pas allumé ton micro. Oui, je sais. Non, très. Donc il a dit très, très, très. Ouais, je tiens à préciser. Et très, très, très encore. Mais toutes les sessions-là sont excellentes. Même Yann Armelino était excellente. Manu était excellente. Voilà, plein. Tous ceux qui sont venus étaient excellents. Voilà. À partir du moment qu'ils font une session live. C'est MF Crew, c'est un groupe très jeune. Hein. Ils se sont formés en 2015. C'est vraiment quelque chose de très, très jeune. Ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Mais on sent déjà qu'il y a des. Même s'ils sont très jeunes, ils ont déjà une certaine expérience de la scène et c'est vraiment excellent. Leur EP s'appelle Last Beer. Bon, j'espère que ce sera pas la seule et la dernière, hein, qu'on boira ensemble lors du Paris Metal France Festival. En tout cas, le titre que je vous propose de découvrir de cette EP ce soir s'appelle I'm Drowning. C'est sorti en 2015, c'est une autoproduction et c'est excellentissime. Il faut aller voir MF Crew, il faut soutenir ce groupe de la région parisienne, ils sont du 95. Nous enchaînerons ensuite encore avec un groupe de Champagne-Ardenne. Ah oui. Oh pardon, excusez-moi. Oui, je suis un peu à la ramasse. Ouais, voilà. Il s'agit du groupe dont on vous parlait tout à l'heure, le groupe Gang, nos amis de Gang, les organisateurs également du film de la comment on appelle ça, la convention de film, hein, qui a lieu le premier week-end de mars. Et puis ils sont aussi Hard Rock Rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? Le Saturday Night British Steel, hein, qui est excellent, est ici au mois d'octobre. Fever. Également. Et voilà, donc. Il n'y a pas Fever à la fin? Non, il n'y a pas Fever. Donc c'est le groupe Gang. Je vous ai sorti un titre de l'album HM 666%. Et le titre se nomme All the Fuller One. Exactement, et c'est leur clip également qui était sorti. C'est une autoproduction de 2012. Et le groupe s'est formé en 1990. Exactement. Et ils nous viennent de Champagne-Ardenne, de Fim, exactement. Voilà, ils nous font du heavy metal. Ils font quelques reprises, beaucoup de reprises. Et ils ont 7 albums à leur actif et quelques lives. Hein, donc voilà, à venir voir. À chaque fois que je les vois sur scène, en fait, je trouve que c'est plus un groupe de scène qu'un groupe d'album. J'adore les voir sur scène parce qu'ils dégagent une énergie. Il se passe toujours quelque chose avec Gang. On enchaînera ensuite avec un groupe francilien, un groupe de la région parisienne qui s'appelle Factor 8, que l'on avait également reçu dans le Rock for Show cette année, puisqu'ils ont sorti leur premier album. C'est leur premier album, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Leur premier album qui s'appelle Scary Tales. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir est un groupe très très court, Kingdom of Madness. Voilà, et le groupe a sorti donc son album en avril 2016. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ils sont formés en 2011, donc c'est quand même un groupe qui est relativement jeune. Mmh. C'est du hard rock inspiré par Alice Cooper. Voilà, ils ont un album et un EP à leur actif, donc on leur souhaite de continuer. Voilà, ils nous viennent d'Erani dans l'Oise. Erani, hein, sur Oise. Sur Oise. Et dans l'Oise également. Et dans l'Oise, voilà, ouais, c'est dans ça. Dans l'Oise également. Et bien voilà, on vous laisse donc en musique avec... Un bug. Freaky Time, MF Crew, Gang et Factor 8. Musique! Your candle is it for good? Yeah. Then come and make a try. De retour dans les studios du Rock for Show, à l'écoute de Désillusion qui seront à l'affiche du Paris Metal France Festival le dimanche sur la Rock for Stage. On vous passera le morceau en entier à la fin de cette émission. Pour l'instant, on vous rappelle ce que l'on vient d'écouter. Alors, nous avons écouté Freaky Time, MF Crew, Gang et Factor 8. Voilà, pour Désillusion, sachez qu'ils viennent de Lisieux, ils sont chez Emanes Metal Music, que leur album est sorti en 2014. Ils se sont formés en 99, ils font du heavy metal pure souche chanté en français. Ils ont à leur actif 3 albums. Voilà, et puis si vous voulez réserver vos places pour le Paris Metal France Festival, c'est sur pmff.bigcartel.com ou sur withevent.com/pmff-vi. Voilà, et le plan, c'est à Ris-Orangis, 1 avenue Louis Aragon. Et bien sûr, le Paris Metal France Festival, c'est les 6, 7 et 8 janvier 2017. Nous allons enchaîner maintenant avec des groupes étrangers. Alors vous nous dites, mais on parle du Paris Metal France Festival ou... Eh bien oui, le Paris Metal... Nous innovons cette année. Exactement, pour la première et dernière année, nous innovons avec 3 groupes étrangers, puisqu'il s'agit de Drakkar, Crying Steel et Fire Force, donc 2 groupes belges, 1 groupe italien. Et donc, on va vous en parler maintenant. Drakkar, ils ont tourné avec ADX là, ces derniers temps. Donc voilà pourquoi on continue à les avoir sur le Paris Metal France Festival. Et surtout, ce sont des amis, ils sont venus dans le Rock for Show. Ils sont adorables. Ce sont des gens qui aiment faire la fête. Et donc, je vais vous passer un titre de leur premier album, sorti en 1988. Un excellentissime album qui s'appelle X-Rated. Et le titre qui ouvrait cet album s'appelait Stand Up. Excellentissime groupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur... ils nous viennent de Mons, de la Belgique. En Belgique, bien évidemment. Ils se sont formés en 1983 et ils nous font du heavy trash et ils ont à leur actif 3 superbes albums. On enchaînera ensuite, ma chère Jen, avec les Crying Italiens. Steel. Ils nous viennent de Bologne et donc on va vous faire écouter Defender tiré de l'album Time Stand Still. Signé en 2012 chez Mike Graveyard. Ils se sont formés en 1982 et ils ont 4 albums à leur actif. C'est du pur heavy metal, tel que vous l'aimez, tel que vous le chantez. Franchement, là, c'est vraiment un groupe old school, mais à la manière heavy metal, pur heavy metal. C'est de la pure bolognaise, quoi. C'est de la pure bolognaise. Bien, bravo. Et nous enchaînerons ensuite avec retour des Belges, mais des Belges flamands. Ceux c'est qui ça. Parlent... C'est ça, ils nous pas viennent français. D'Anvers. Pas français. Anvers, donc Anvers qui est flamand, hein, attention. C'est ça, hein. Voilà, oui. Anvers, on croirait que non, mais en fait, oui. Voilà. Je me suis comprise. Alors, Fire Force. On va les annoncer déjà. Donc, ils ont signé chez Lim Music Products en 2014 cet album, Deathbringer, et on va vous passer le titre Thunder Kill Roll. Exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Pas grand chose, hein, ma chère Jen. C'est du heavy metal aussi. Du heavy metal basique, voilà. Vraiment du truc qui envoie. Ils sont venus jouer avec ADX et Drakkar dans le 78 au mois d'octobre et c'était une pure tuerie. À vous de découvrir maintenant Fire Force sur une grosse scène puisque ces 3 groupes-là vont jouer sur l'ultime stage au Paris Metal France Festival et ce sera le dimanche. Ne les ratez pas, sincèrement, c'est vraiment, vraiment une tuerie. Et on va finir avec un groupe français. Oui, hein, et un groupe de l'Est de la France. Voilà, vers Mulhouse. Voilà. Mystery Blue. Donc c'est un live made in Europe. On va vous passer le titre Metal Attack. Ce live a été signé chez Roadshow Prod en 2016. Ils se sont formés en 1982. Donc on a quand même du old school à mort. C'est un quintet, du heavy metal aussi. Le dimanche sera relativement très heavy. Metal. Voilà. Et donc Mystery Blue ont 9 albums à leur actif. Voilà, donc on vous laisse avec Drakkar. Oui, pardon. Crying Steel, Fire Force et Mr. Rubu. Music! We were only gonna talk. Talk! The likes of him, no, stop talking. The likes of him. Every man I meet becomes the likes of him. It's no good. I can see it in his face. So you see it anyway. It's an arrogant, twice evil. I'm your father. I've got to keep the dirt away. Protect you from the wrong kind of men. I think everyone does. Every single man is the wrong kind of man. Except you. retour dans les studios au son de Ultra Volta. Alors on va vous en parler dans quelques instants d'Ultra Volta parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, émission spéciale Paris Metal France Festival 6, partie 2. Puisque la semaine dernière c'était la partie 1, ma chère Jen. Tout à fait. Ah, c'était bien en plus. Ouais. T'as moins bien aimé, mais c'était bien quand même. Oui. Ah non, mais moi je me plains pas. Et vous pourrez la réécouter donc sur le podcast que notre cher Tom vous concocte toutes les semaines. Merci Tom. Hein ? Non mais tu veux parler ? Et c'est le lien est sur la page Facebook de R Radio ou sinon vous allez sur archive.org, vous cherchez Rock for Show, hashtag RFS, hashtag Indie Rock, hashtag je sais plus quoi, hashtag PMFF. Très bien, merci monsieur Tom. Donc ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Ultra Rock. On essaiera de Ultra Volta. Ultra Volta. Pourquoi Ultra Rock ? Ah oui, Ultra Rock, mais parce que tu étais dimanche. Parce que dimanche, on a fait une émission spéciale rock, spéciale Paris Metal France Festival. Il a du mal. Et après, on dit de moi quand je dis Ultra Vomit. C'est ça, c'est ça. Hein, donc, avec notre cher ami Steph, Lulu et Freb, qui étaient donc à la technique. Et on a fait. Il y avait Beethoven aussi d'ADX qui était invité. Et c'était excellent. Donc voilà pourquoi Ultra Rock. Non, c'est Ultra Volta que vous entendez. C'est un groupe punk qui nous vient de Nîmes. Et pourquoi on vous parle et pourquoi on met du punk dans un festival de métal français ? Tout simplement parce que il y a un bassiste à l'intérieur de ce groupe punk qui se nomme Fred Dush. Est-ce que Dush, ça vous dit quelque chose ? C'était le tout premier bassiste d'ADX, bien évidemment. Et donc, on a essayé de rassembler la famille originelle, hein, puisque là, nous retrouvons trois membres d'ADX. Originel, donc vous allez pouvoir le retrouver Dush qui viendra faire le buff avec ADX. Tu dis trois membres, ça fait quatre. Trois. Phil, ouais. Doug, oui, ça fera quatre avec lui, mais Phil, Doug, Beethoven et donc Dush qui vient rallier la famille originelle de ADX. Bon, Marky étant décédé cette année, effectivement, nous ne pourrons pas avoir la reformation d'ADX telle qu'elle était à son origine, au complet. Voilà, vous aurez donc un buff et il y aura certainement des joutes de basse, puisque Julien, le bassiste d'ADX, sera toujours quand même présent sur scène. Ultra Volta, c'est du punk rock et on vous demande de les découvrir sur la Rock for Stage le dimanche 8 janvier 2017. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous présenter la fin des groupes qui vont jouer au Paris Metal France Festival 2017. On a du mal avec 2017. Donc on va continuer avec une reformation de Face to Face, groupe qui date des années 90, hein, et qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle After the Storm. Sorti chez Brennus. Oui, comme beaucoup en fait. En septembre France. 2016, effectivement. Je crois que Brennus étant le label. Donc Alain Ricard, patron du label Brennus, sera présent au Paris Metal France Festival. C'est génial, ça fait longtemps que... Donc ça va permettre à plein de gens de se retrouver. Il y aura, on ne peut pas vous dire qui il y aura, mais il y aura plein d'invités. Donc restez bien, achetez vos places, places sur bigcartel.com, hein, pmff-bigcartel.com. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, nous allons vous passer donc le titre de Face to Face, A Rock and Roll Teacher, tiré du fameux album After the Storm, qui est sorti en septembre 2016, donc. Exactement. Ils nous font du heavy metal rock, hein, c'est plutôt rock heavy metal. Ils nous viennent de Paris au niveau de la formation, mais ils viennent un peu partout. Ouais. Ouais. Et ils se sont formés en 1990, dis donc. Et ils ont 4 albums à leur actif. Sachez qu'à la batterie, nous retrouvons Philippe Salma, Salva, oui. Ex Mistria, qui. Groupe de Montpellier ? De Montpellier, c'est ça, voilà. Avec Steph à la guitare, que je connais très bien, voilà. Alors, il y aura Olivier Fiol à la guitare. Il y aura également Tan Bramo à la guitare. Est-ce que c'est pas Yann ? Yann, ça doit être Yann. Oui, je pense, parce que Tan. C'est moi qui ai peut-être dû me tromper, mais c'est une erreur de frappe. Peut-être. C'est fort probable. Fred Guillemet à la basse. Allez ! Oui. Ex Warning, mais ex Trust et ex The Element. Il y aura également au chant Monsieur Olivier Delval, encore un grand ami du Rock for Show qui s'est coupé les cheveux. Metal France Festival. Oui, il s'est coupé les cheveux. Le vilain, il avait des cheveux de fou. Chanteur de Shannon et de Blasphème sur scène. Tout à fait. Ouais. Et nous terminerons cette épopée du dimanche soir avec le groupe Vulcain. Mais après le groupe Vulcain, il y aura une surprise acte. Pour l'instant, on peut rien vous dire. Mais donc Vulcain avec son album Rock'n'Roll Secours, sauf que là on va vous mettre la version de Rock'n'Roll Secours 2014 puisque le groupe a réédité et réenregistré cet album mythique, le premier album de Vulcain, et d'ailleurs on vous a choisi le titre éponyme du groupe Vulcain. Pour finir dans les limbes de l'enfer, maître de la foudre, voilà, et c'est sorti chez Desperado Production en 2014. Le groupe nous vient de Paris et de sa région. Ils se sont formés en 1981. Les deux frères, Vincent et Daniel Puzio. Et vous retrouverez Marc Parez à la batterie, bien évidemment. Ils nous font du heavy metal très teinté Motorhead. Ils sont français, bien entendu. Ils chantent en français, bien entendu. Et ils ont 8 albums et 3 lives. 8 albums studio et 3 lives à leur actif. Et pour finir, nous finirons avec Désillusion que nous avons entendu en fond sonore tout à l'heure. Nous vous offrons ce titre de Désillusion, rien que pour vous. Est-ce que Tom peut nous dire d'ailleurs de quel titre il s'agit de Désillusion s'il l'a sous les yeux avant que nous rendions l'antenne, hein, mon cher Tom? Je peux te dire ça. Allez. Emmanes Metal. Oui, mais c'est le titre du morceau. Ah non, parce que j'ai le titre de l'album. Ah bon, le titre de l'album, ça peut nous intéresser. La bête du Gévaudan. Non, alors ça c'est le titre du morceau. Bah, c'est faut le savoir. Titre du morceau. Ouais, c'est le titre du morceau. C'est la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan. Gévaudan, c'est chez moi. C'est quoi le Gévaudan, quoi? Mais Gévaudan. Tu connais pas la bête du Gévaudan? Le loup. La Lozère, quoi. La Lozère. Excuse-moi, mais j'ai pas de loup chez moi. La bête du Gévaudan. En Bretagne, on n'a pas de loup. Et c'était justement un hommage à Luna Wolf. On a des moutons. Bah, personne m'écoute. Si, Luna Wolf, c'est un hommage à Luna Wolf. Je sais pas qui c'est. Bah oui, à notre gène, la louve. Ah, voilà, la belle du Gévaudan. Voilà. Et puis on écoute ça et puis on se dira au revoir. Tu me diras, on a fait Veggie il y a quelques semaines, un titre, mais elle n'était pas là. C'est vrai, mais elle n'était pas là, mais c'est pas grave, elle se rattrape aujourd'hui avec la bête du Gévaudan et des illusions. Il est temps. Voilà, ainsi s'achève cette deuxième partie du Paris Metal France Festival 6, mais vous allez pouvoir réécouter et surtout venir nous voir chaque semaine. Il est encore temps pour ceux qui sont à Paris de venir nous rejoindre au Dr Feelgood. Il est 9h20 à peine, enfin un quart pour... Et on finira au Dr Feelgood vers 22h30. Ouais, voilà, donc vous avez le temps de venir. Même si c'est pour nous voir 30 secondes, c'est toujours sympa. Non, vous venez nous voir et surtout, vous venez acheter votre place pour le Paris Metal France Festival. Oui, puisqu'on a les places physiques ici avec nous au Dr Feelgood. Allez, on envoie la musique et on se retrouve tout de suite après. Donc on commence avec Face to Face, Vulcain et Désillusion. Musique. We'll be right back. de retour dans les studios pour se dire au revoir, ma chère Jen. Tout à fait, avec quelle tristesse. Ouais, et on se retrouve la semaine prochaine avec Malmort. Alors, on vous dit juste. C'est le prochain Malmort ici. Ouais. Et... J'avais oublié celle-là. Ouais, ils seront là la semaine prochaine. Ça va être chaud, ça va être. Rock, ça va être fort, ça va être mal. Il y aura. Ouais, non, je dis plus rien. Je m'en vais. Bonne soirée, ciao. Ouais, allez, on se dit à la semaine prochaine. C'était Rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. À la semaine prochaine. Bye bye.